هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. L'auteur avait dit, Nakul, Allahu a'lam, fima stabaha alayna ilmuhu. L'auteur avait dit donc dans son livre, qu'il a intitulé Sharh al-Aqidah Tahawiyya, nous disons, Allah est plus savant quand la connaissance de quelque chose nous paraît équivoque. Ça voulait dire que quand il y a des choses à laquelle on ne peut pas répondre, parce qu'il y a des ambiguïtés, il y a des choses qui sont difficiles à notre compréhension, on disait Allahu A'lam, que Allah subhanahu wa ta'ala était plus savant. On l'avait expliqué la semaine dernière. On avait vu aussi que l'auteur avait dit wa nara al-mash'a 'ala al-Husayni fi al-safari wa al-hadari kama ja'a fi al-athari. Nous voyons parmi le massage des chaussures fermées au cours de l'ablution, comme cela s'est évoqué dans la sunna. On avait dit qu'il était permis lors des ablutions de la prière qu'on pouvait passer donc directement, parce qu'après ici il explique qu'on pouvait passer directement sans laver ses pieds, ou sur la chaussure en cuir, ou sur la chaussette en cuir, ou même sur la chaussette en laine, comme ça, passer directement. Après, bien sûr, les avoir mis en état de purification. Aujourd'hui, on avait dit qu'on verrait la troisième partie, qui est والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقذهما. Aujourd'hui, nous allons voir donc, nous voyons permis, le pèlerinage et la guerre sainte sont fixés à jamais jusqu'à la fin du monde, avec tous les dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers. Rien ne les rendra caduques et rien ne les abolira. Donc, on va expliquer tout ça. Al-Hajj ou Al-Jihad. Al-Hajj, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, il est dans un temps bien déterminé. Il est le 10, 11, 12, 13 de Dhul-Hijjah, 14 de Dhul-Hijjah. C'est une obligation pour celui qui en a les moyens, financièrement et physiquement. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de partir au Hajj, pour lui, le Hajj n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui physiquement ne peut pas faire le pèlerinage n'est pas obligatoire. Et le pèlerinage, c'est juste au jour du l'an dernier, c'est-à-dire que depuis la venue du prophète et l'instauration donc de ce rite qui est le cinquième pilier de l'islam, c'est une obligation pour tous ceux qui en ont les moyens. Et il n'y a pas un moment dans la vie, c'est-à-dire dans la vie terrestre, où il viendra quelqu'un dire que non, c'est pilier, il doit être aboli, le pèlerinage n'existe plus. Non, le pèlerinage c'est une obligation, il a rien à faire. On ne va pas trop s'attarder sur le pèlerinage, parce que le pèlerinage, en général, tout le monde connaît. Le jour où celui qui voudra faire son pèlerinage, il se renseigne autour de lui, comment on fait le pèlerinage, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que son pèlerinage soit valable. Ça, c'est pas un problème. Mais on va plutôt parler du djihad, de la guerre sainte. Donc, on va parler de la guerre sainte, du djihad, parce que c'est flou dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Ce mot-là, il est flou dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. On va l'expliquer pour qu'Inch'Allah ce soit clair une fois pour toutes. Ici, le djihad. Le djihad, personne ne peut dénigrer le djihad. Le djihad, il a été mentionné dans le Coran. Le djihad, il a été mentionné dans la Sunna. On ne peut pas venir aujourd'hui dire que le djihad n'existe pas. Comme on ne peut pas aujourd'hui venir, à l'époque où je vous parle, dire que le djihad, il existe. Donc, on va en parler. Il y a beaucoup de gens autour de nous, ils vont nous dire, oui, mais regarde ce qui se passe dans les pays musulmans. Il faut faire le djihad. Il faut prendre les armes. Il faut renverser le pouvoir. Il faut faire tout ça, c'est des paroles, des belles paroles, mais qu'on n'est pas prêt à assumer. لعلماء السبيل السبيل كلمة حق أريد بها باطل. C'est une vérité. C'est une vérité. Cette parole-là, c'est une vérité, mais qui derrière elle cache le faux. Il y a beaucoup de gens qui prêchent le faux en passant par du vrai. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple, vous allez comprendre. On a ce qu'on appelle la sunna, et on a ce qu'on appelle le bid'a. La sunna, c'est quoi? C'est tout ce que le prophète a fait, a dit ou a permis. D'accord? La sunna, ça ne passe pas la sunna. La sunna par rapport à la parole du prophète, par rapport aux actions du prophète, et par rapport à taqrir, c'est ce qu'il a décidé. Mais qu'il ne l'a pas fait ou qu'il ne l'a pas dit. Il a vu un compagnon faire une chose qui était bonne, il l'a permis. Comme par exemple sunna de Bilal. La sunna de Bilal, c'est quoi la sunna de Bilal, radiallahu anhu? C'est qu'après chaque ablution, il fait des rak'at. C'est pas le prophète qui a instauré cette sunna, mais c'est Bilal. Et le prophète l'a accepté. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la sunna. Sans rentrer dans les détails. La sunna, c'est donc le chemin et le suivi du prophète. Il y a ce qui va à l'encontre de la sunna, c'est son opposé, c'est quoi? C'est la bid'a, l'innovation. Il y a deux innovations. Il y a ce qu'on appelle la bid'a religieuse, qui est faite en religion, et la bid'a mondaine, c'est la bid'a qui est faite dans les choses de la dunya. À l'époque du prophète, il n'y avait pas d'électricité. Les gens vivaient avec des bougies. Aujourd'hui, à notre époque, on a de l'électricité. C'est une bonne innovation ou pas? C'est une bonne innovation dans la dunya. Parce qu'il n'existait pas de bonne ou de mauvaise innovation. Toute innovation en religion est mauvaise. كل بدعة ضلالة أي يعني في الدين وكل ضلالة في النار et tout également amène en enfer. Donc une innovation en religion c'est mauvais, une innovation dans la dunya c'est permis. On continue. Donc cette innovation qui est dans la dunya, alhamdulillah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de voiture. Aujourd'hui on a des voitures, on utilise des voitures et il ne faut pas s'arriérer l'esprit en disant, comme certaines personnes des fois ils le disent par moquerie, ils disent ouais mais alors dans ces conditions pourquoi tu prends le train, pourquoi tu prends le bateau, pourquoi tu prends l'avion, prends le chameau. Ça c'est de l'ignorance, et les gens qui parlent comme ça ou ils le font par ignorance ou par moquerie. On se moque pas avec la religion, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui le moyen de transport de l'insane c'est quoi? C'est le bateau, c'est l'avion, c'est le train, c'est la voiture, on utilise ces choses là d'accord? Donc comme ça, ce sont des innovations de la dunya dans la vie terrestre, de tous les jours qu'on a besoin. On les utilise. La bid'a se divise en deux maintenant. La bid'a religieuse. Il y a ce qu'on appelle la bid'a al-haqiqiyya ou la bid'a al-idafiyya. La bid'a, l'innovation véridique, est celle surérogatoire. Moi, je vais les traduire comme ça, mais je vais vous les expliquer. La bid'a al-haqiqiyya ou la bid'a al-idafiyya. La bid'a al-idafiyya, c'est celle où tu trouves une source dans le Coran et dans la Sunna. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si quelqu'un il fait dua, en levant les mains, il fait dua. Est-ce que dans le Coran et dans la Sunna, on trouve ces traces-là? Oui. Dans la Sunna, on voit que le prophète, à certains moments, à certains endroits, il a levé les mains, il a invoqué son Seigneur. Donc c'est une Sunna. Mais la bid'a al-idafiyya, c'est qu'à ce moment-là, il y a des gens qui vont lever les mains et faire dua, je vais vous donner un exemple, en groupe, jama'atan. Si tu le dis, akhi, ce n'est pas sûr de faire la dua en groupe, comme vous faites actuellement. Je vais dire, ah, tu n'aimes pas la dua, toi. Ah, tu vas m'interdire ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a permis. Tu n'aimes pas la dua. Tu n'aimes pas ton Seigneur, tu ne fais pas de dua. Tu t'enorgueillis devant ton Seigneur. C'est comment les gens parlent. Il a raison, il a tort. Il a tort. Bien que son action, si tu regardes la source de son action, elle est dans le Coran, elle est dans la Sunna. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que pour qu'une action soit acceptée, il faut deux conditions. La première condition, c'est qu'elle doit être faite avec sincérité. Je fais cette action pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour personne d'autre. Si j'ai associé avec Allah, mon action est annulée. Si j'ai associé avec Allah, subhanahu wa ta'ala, mon action est annulée. La deuxième des choses, il faut qu'elle soit conforme au Coran et à la Sunna, comme Allah il a enseigné son prophète alayhi salatu wasalam, et comme le prophète alayhi salatu wasalam il a enseigné les compagnons, et comme après les compagnons bien sûr, nous l'a enseigné à nous. C'est-à-dire que si maintenant je fais une action sincèrement pour Allah, je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer, mais elle va pas, elle va à l'encontre des enseignements du Coran et de la Sunna, mon action tombe à l'eau. Comme par exemple mon action que je la fais conformément au Coran et à la Sunna, mais je ne la fais pas pour Allah. Je la fais pour que les gens disent « Ouais, un tel il a fait ça et un tel il a fait ça ». Elle tombe à l'eau. Non, les deux conditions primordiales, c'est qu'elle doit être faite, cette action, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et selon le Coran et la Sunna. Donc, revenons donc à notre dua. On a fait dua en groupe. Si tu vas rechercher par exemple la dua dans l'islam, tu vas rechercher la dua dans la jurisprudence islamique, tu vas t'apercevoir qu'il y a là un fondement. Mais la façon comme maintenant eux vont la faire, c'est ça l'innovation. Parce que le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a enseigné comment faire dua. Moi je viens avec une autre méthode. J'innove en religion. Et c'est ça l'innovation qui n'est pas profitable. La bid'a al-haqiqiyya, c'est une bid'a qui, elle, par contre, si tu fais tes recherches dans le Coran, si tu fais tes recherches dans la Sunna, tu ne trouves aucune trace. Tu ne trouves aucune trace. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Allah ne l'a pas enseigné dans le Coran, et le prophète ne l'a pas enseigné dans la Sunna. Et elle a été instaurée. Ça, c'était pour vous parler de quelques mots à savoir. Retournons au djihad, la guerre sainte. Il y a des gens, quand ils vont te dire le djihad, ils disent non, mon frère, alors c'est contre le djihad. Alors, c'est bien que ça. C'est contre le djihad. C'est contre la guerre sainte. Un musulman ne doit pas être contre la guerre sainte. Ni un vrai musulman que celui qui en fait dort et qui, là, il a dit 9 heures de djihad, ce n'est pas un vrai musulman. Celui qui en fait dort et qui, il s'en fout de ce qui se passe dans la communauté musulmane, et qui, là, il a dit 9 heures où il ne parle pas à soi-même du djihad, ce n'est pas un vrai musulman. Mais la guerre sainte, elle a des conditions. La guerre sainte, c'est pas je viens et puis je vais faire Al-Fawda. Al-Fawda, c'est la victoire, c'est la vis-à-vis, je vais semer le trouble. Alors quand tu vois, ils viennent avec des mots qui sont réellement dans le Coran et dans la Sunna, tu dis mon frère, le djihad, non, c'est ça, c'est de ce que je pense, c'est contre le djihad. Tu vois? C'est comme par exemple, Jamaat-e-Tablir, vous leur dites, mes frères, Da'wah c'est obligatoire, mais le chemin que vous avez emprunté, c'est pas la Sunna du prophète, toi t'es contre Da'wah. Si on n'est pas contre Da'wah, on n'est pas contre Da'wah. Da'wah c'est obligatoire. Pour toi, pour moi, pour n'importe qui, justement, c'est obligatoire la da'wah. On est obligé de faire da'wah. Mais il y a un chemin, il y a des conditions de da'wah. C'est pas que je fais da'wah n'importe comment. C'est pareil pour le djihad. On en parle pour que ce soit clair. Le djihad, c'est pas que je viens, je prends un groupe de personnes et allez bien. On va aller faire, le trouble, on va se mettre le trouble là où on se trouve. C'est pas ça le djihad. Il y a des conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de djihad. On avait parlé il y a longtemps de ça dans une cassette, dans les premières cassettes de Sharah al-Aqida al-Tahawiyya. On avait parlé d'un domaine qui se rapproche du domaine du djihad. C'était l'obéissance au gouvernant, l'obligation de suivre ou d'obéir les gouvernants. Qu'ils soient pervers ou qu'ils soient pieux. Parmi les musulmans, bien sûr. On en avait parlé, on avait fait des explications. Aujourd'hui, on va parler réellement du djihad. La première, des conditions, si cette condition n'est pas remplie, déjà le djihad est tombé à l'eau. C'est que le djihad, il faut qu'il y ait un amir. Un amir, khalifat al-muslimin. Il y a un califat, il y a le calife. Et c'est lui qui va réunir les musulmans et qui va leur donner le feu vert pour faire le djihad. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui? On ne l'a pas. On n'a pas de calife. Donc déjà, premièrement, cette première condition qui n'est pas remplie, on ne peut pas continuer. La deuxième des choses, il faut que ce soit bittifaq jami' et ahli al-ilm. On a notre khalifa, on a un calife, on a désigné un calife. Qui c'est qui a désigné? C'est toi ou c'est moi? Ahli al-ilm, ce sont les savants. Rahmatullah. Et quel savant? N'importe quel savant? Non. On vous a dit que le savant se divisait en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle ulama al-dunya. Il y a ulama al-umma, et il y a la troisième catégorie, ulama al-lillah. Ulama al-dunya, les savants de la dunya, c'est quoi ces gens-là? Ce sont des gens qui ont étudié le Coran, qui ont étudié le Hadith, ils ont étudié la jurisprudence islamique, mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont fait pour un bien matériel, pour que demain, il a un poste élevé, qu'on dise de lui, mashallah, cher Foulan. Ou bien il l'a fait pour de l'argent. Ou il l'a fait pour se marier avec la fille d'un tel, pour que c'est premier ministre, je ne sais pas quoi, alors voilà, comme c'est cher un tel. Attention, voilà, il l'a fait pour un bien matériel. Il l'a pas fait pour Allah et son prophète. Ces ulama-là, on n'a pas les écouter. Parce qu'en plus de ça, ils ne t'apprennent rien. Ils peuvent que conduire en erreur. La deuxième catégorie des ulama, ce sont ulama al-umma. Ce sont les ulama de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, c'est pas la communauté qui suivent les ulama, ce sont les ulama qui suivent la communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle veut telle chose dans tel endroit. Alors les ulama, ils vont faire une fête. On dit, ouais, d'accord, c'est permis. Ou par exemple, ils ne veulent pas telle chose, d'accord, on enlève cette chose. On a entendu des ulama dire que pendant le mois du ramadan, si quelqu'un travaille au chantier, il ne fait pas le ramadan. Parce que pourquoi sa santé ne le permettra pas de jeûner, et en plus de ça, de travailler, surtout quand il est dans le chantier. Donc c'est pas grave, c'est permis pour lui qui ne gêne pas, et il travaille dans le chantier. Ou bien par exemple, ah, il y a le problème du foulard. Faites enlever le foulard à vos filles. Pourquoi vous profitez la vie? Ah, c'est pas le premier visage de l'islam? Avec le foulard, pas. Ah oui, dans les écoles, nos filles, elles ont des problèmes avec le foulard. Est-ce que c'est obligatoire de l'avoir ou pas? Ah non, elles doivent l'enlever. Tu vois? Tout ça, ce sont quoi? Ce sont des ulama, mais qu'on ne doit pas écouter. Ils vont t'amener à ta perte. Ils vont t'amener à ta perte. Et la troisième catégorie des ulama, ce sont ulama al-millah. Ce sont vraiment les ulama qui suivent le Coran, qui suivent la sunna à la lettre, comme les autres prédécesseurs ont compris le message. Eux, ils disent ce qu'il y a à dire. Ils disent la vérité. Mais la vérité, comme on vous l'explique tout le temps, elle doit être dite avec sagesse. C'est pas t'as la vérité, mais tu sais pas la donner. Parce que si t'as la vérité, tu sais pas la donner, ça sert à rien. Non, il faut avoir la vérité, et comment la donner, cette vérité? Si tu viens, t'as la vérité, mais tu viens avec une balle de baseball, même que t'as la vérité, ben ça va servir à rien. Mais si tu as la vérité, et que tu viens avec un sourire, tu es souriant, tu es accueillant, tu es tolérant, surtout la tolérance, il faut accepter l'autre, et écouter ce qu'il a à dire. Tu écoutes ce qu'il a à dire. Et tu ne sais pas. Lui, il ne sait pas, il a appris comme ça. Si tu ne l'écoutes pas, tout de suite tu le juges, déjà on est qui pour pouvoir juger les gens? On n'a pas à juger les gens. On se juge soi-même et c'est déjà beaucoup. Non, il faut savoir partager, il faut savoir écouter. Il faut être ouvert à toute conversation. Tu ne peux pas savoir qui c'est que tu es en face de toi. Tu rencontres n'importe qui dans la rue, il te voit dans la rue, il te voit, il te respecte déjà rien par sa tenue. Ça, c'est déjà une chose. Surtout quand tu vois que tu es avec un seul médecin, il veut partager un bien qui lui manque. Si Smah Liyakhi, je voudrais parler avec toi. Il ne faut jamais repousser celui qui vient te poser des questions ou celui qui veut te parler. Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il y a un très bel exemple. Dans une cassette que j'écoutais, il y en a un qui décrit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, qui dit Cheikh Ben Baz, il n'a jamais repoussé celui qui venait lui demander. Ou une question, ou de l'argent, ou n'importe quoi, il ne le repoussait jamais. Une fois, qu'est-ce qui s'est passé? À 3h du matin, il y a quelqu'un qui vient sonner à sa porte. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il dormait. Bon, les gens de sa famille descendent, ils vont voir ce qui se passe. Oui, j'ai une question à poser, Cheikh Ben Baz. Très important. Ah, on revient demain, il dort. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il dormait déjà très tôt. Et les ulama, les savants, les vrais savants, ils dorment pas jusqu'à ce qu'ils viennent à la balle, ils ne trouvent. Non. Les vrais ulama, dès que tu les appelles comme ça, il est là avec toi. Il ne dort pas dans un sommeil profond. Ils n'ont pas de sommeil profond ces gens-là. Il dort très peu. Donc, dès qu'il a entendu du bruit, il s'est réveillé, il a fait qu'est-ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui a posé une question. Ça fait monter. Il l'a fait monter, il l'a fait s'asseoir, il a fait le fadal. Il a parlé, il a vu des enfants, il a parlé. Jusqu'à voir que le fadal. Il l'a écouté. Et après, peut-être la vie des sensats, il lui a donné sa réponse, il s'en passe par le fadal tranquillement, et voilà. À 3h du matin, à l'époque. Tu vois, regarde le khulour, le hassan, regarde le bon comportement. À 3h du matin, quelqu'un vient sur la tarte, sur l'image, il s'est juré sur n'importe quoi. Il ne sort pas avec la bande de l'éléa, elle s'est allée là. Tu vois, je crois que vient quelqu'un me déranger. Il l'a fait rentrer, il l'a fait s'asseoir, il l'a honoré, je ne sais pas, de m'inviter ou à manger, ou à l'arlève. Et puis il l'a écouté. Vas-y, je t'écoute, parle. il a vidé son sac, une fois qu'il a terminé, il a donné sa recherche, le gars est parti, il était content, sur Ben Baz, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son travail, alhamdulillah. Tu vois ? Regarde le chlour qui fait. Le comportement, 75% de votre da'wah, les frères, 75% de votre da'wah, elle repose sur votre comportement. Si tu as un bon comportement, on t'écoutera. Si même tu n'as pas la vérité avec toi. Attention, ça je vous le dis, parce qu'il y a des gens, ils ont des comportements, mashallah, mais des fois, ils n'ont pas la vérité. Mais il faut écouter, pourquoi ? Parce qu'ils ont un comportement. Et quelqu'un a la vérité, mais il n'a pas le comportement, il n'est pas écouté. Même s'il a la vérité. Pas la vérité, mais tu n'écoutes pas. Si c'est pour devenir comme toi, je préfère rester comme je suis. Allez-y. Le comportement. Et le meilleur exemple est dans qui ? Dans notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait affaire avec qui, le prophète, alayhi wa sallam, avec des chrétiens, des juifs, des polythéistes. Il a insulté, il a injurié, il l'a frappé, mais malgré ça, il avait un comportement exemplaire, le prophète, alayhi wa sallam. Ça, c'est avec des non-musulmans. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire, nous, aujourd'hui, à notre époque, avec des musulmans ? Avec des non-musulmans, regarde comment le prophète, alayhi wa sallam, s'est comporté. Avec des musulmans, comment on doit être, nous ? C'est avec des chrétiens et des juifs et des athées et des politiques qu'on doit se comporter comme ça. Comment on doit se comporter avec les musulmans ? Donc on a dit qu'il faut avoir l'avis des relamas. Les relamas, pas n'importe lesquels. Pas ceux qui vont te permettre que ta femme, elle peut être actrice à la télé ou c'est permis ou des choses comme ça. On a entendu certains relamas dire ça. Oui, la femme aujourd'hui, elle peut être moumassila fil aslam, elle peut être actrice dans les films ou les pièces théâtrales. Si j'avais eu ce alim en face de moi, je lui aurais posé la question « Est-ce que tu l'acceptes pour ta fille ou pour ta femme ?» Ah non, ma femme, non, mais les femmes des autres, oui. Tu vois ? Ah ben quand t'entendais ça toi comme ça, mon frère, tu vas écouter des gens pareils ? J'écoute pas des gens pareils. Mais sans être dans tout ça, qui c'est qui va juger pour que ce calife soit calife ? Ils sont Ahl al-Ilmi. Bittifaq Jamir Ahl al-Ilmi. Il faut que ce soit tous les savants, donc, pas de la première, deuxième catégorie, mais les troisième catégorie. Que ces savants-là, donc les vrais savants, eux jugent maintenant que cette personne-là, elle mérite d'être calife. Après que, bien sûr, elle aura rempli certaines conditions parmi elles, que ce soit quelqu'un de pieux. Il faut que ce soit un musulman, il faut que ce soit quelqu'un de lettré, c'est pas un ignorant qui va venir prendre la place et guider toute une communauté. Il faut qu'elle soit âgée, il faut qu'elle fasse partie de la famille de Quraysh. Il y a beaucoup de conditions. Une fois qu'il y a ça, il faut que maintenant l'émir, il va choisir l'armée. Il va choisir son armée. Et dans son armée, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui peut répondre aux conditions du djundi, le musulman al-haqiqi, le soldat musulman le vrai. Un exemple. Ceux qui disent le djihad. Premièrement, on va faire le djihad contre qui ? Contre des musulmans ? Ou bien contre des mécréants ? Le djihad, à ma connaissance, c'est contre les mécréants. Si on regarde ceux qui prennent le djihad, ce sont des musulmans qui sont dans des pays non musulmans, en train de manger bien, à l'aise, bien habillé, et ils envoient des jeunes chacune sur le front se battre. Et eux, Danone, Banane, Roche, Chocolat, à l'aise quoi. Et les autres, portez par le djihad. Tiens, donne l'exemple quoi. Le prophète n'a-t-il pas donné l'exemple ? Il a fait lui-même le djihad. Il a donné l'exemple. Ah non, lui là-bas, il reste, il prend à la neige. Et tu vas dire oui, toi, avec toi, vas-y, toi, toi, il envoie ses directives. D'où il les envoie ? D'un pays musulman ? Non, d'un pays non musulman. Il vient donner ses ordres. Et quand tu les vois, ce sont des moukouches. Ils ont des ventes, ils sont comme ça, leurs ventes. Ah oui, ça prouve que. Ah, t'es le mec là-bas. Eh, mon frère, c'est pas ça le djihad. Il dit à toi, tu manges et tout ça, ils sont en train de crever de faim là-bas. Ne mange pas quand eux, ils ne mangent pas. L'essentiel dans tout ça, c'est que déjà pour le soldat musulman, si on regarde, on va faire le djihad contre qui ? Bon, en supposant qu'on va faire le djihad contre des koufas, le problème est réglé, il n'y a pas de problème. Bien sûr, derrière ça, il y a un autre problème qu'on va évoquer, Inch'Allah. Avant ça, c'est que ceux qui disent qu'on fait le djihad contre des musulmans, ils ont faux. On ne fait pas le djihad contre des musulmans. On n'a pas le droit de tuer un musulman. On n'a pas le droit de tuer un musulman, même si c'est des grands péchés. نحن لا نكفر أهل الكبيرة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل الكبيرة. Les gens de la Sunna ne rendent pas mécréant quelqu'un qui fait un grand péché. Il peut faire zina d'adultère, il peut boire de l'alcool, il peut fumer du shit, il peut voler, il peut... Il n'est pas un kafir, ce n'est pas un mécréant. Tant que... لا يشرك بالله. Tant qu'il n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dehors de tout ça ou en dessous de tout ça, il pardonne à qui il veut. Pourquoi ça va venir aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, il dit ah non, il s'en casse. Là, hadith aqidat al-khawarij, ceux qui disent ça, qui ne pensent pas, ce sont les khawarij qui sont sortis de l'obéissance de leur amir. Oui. Si tu les vois, ils n'adoraient pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils les voient dans la prière, ils ont une prière mieux que les compagnons. Quand ils jeûnaient, mieux que les compagnons. Quand ils faisaient zakat, mieux que... À la fin, ils sont sortis de l'obéissance de leur amir, de leur khalif. On va revenir. Si tu as une question, c'est la même, tu te répondrai tout à l'heure, Inch'Allah. D'accord? Donc on continue. Ils sont sortis. Hum yukassiruna ahl al-kabira. Ceux qui ont un grand péché, ce sont des mécréants, ils sont voués à l'enfer, à leur perte éternelle. Les gens de la Sunna, non. Les gens de la Sunna ne rendent pas mécréant quelqu'un qui fait un grand péché. C'est-à-dire qu'il ne rentrera pas en enfer. Il est en dessous de la volonté d'Allah. Incha'Allah, rafarallahu, wa incha'abdada. Si Allah s'est venu pardonner, il lui pardonne. Si maintenant Allah il veut le châtier, le punir, il le châtiera. Mais c'est pas toi ou moi qui allons décider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. En supposant qu'on fait comme certains groupes qu'on rencontre dans les pays musulmans et qu'on dit non, nous on fait le djihad contre les gouvernants. Je ne vais pas m'attarder sur les gouvernants parce qu'on en a déjà parlé, mais je vais survoler. Le gouvernant, est-ce que c'est un kafir ou ce n'est pas un kafir? Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Hatta taraw kufran bawahad » avant de voir, tu ne pourras pas sortir de ton gouvernant tant que tu n'as pas vu en lui une mécréance claire, une mécréance apparente, c'est-à-dire il est en train de faire du couvent. Là, tu n'obéiras pas. Ça, c'est pour le gouvernant qui n'est pas musulman. Maintenant, le gouvernant qui est musulman, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khalaq » Tant que lui ne pardonne pas de désobéir à Allah et à son prophète, tu devras lui obéir. Si maintenant il te dit « La ta'ata », là non, il ne doit pas obéir sans. Si tu te dis « Ouais, il faut que tu boives l'alcool », je ne dois pas obéissance. نحن نطيعهم في المعروف. On les obéit dans ce qui est bien. Dans ce qui est mal, on ne sait pas. Ce qu'ils veulent faire, c'est entendu son Seigneur. Mais on ne devra pas sortir de l'obéissance de notre gouvernant. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de mal que de bien. On revient toujours en arrière. On est dans un pays musulman. On se soulève. On fait la guerre contre qui? On fait la guerre contre qui? Contre des musulmans? Adalayazouz. Il n'est pas permis. Donc si on regarde, il y a plus de mal que de bien. Parce que quand on regarde, premièrement, on est en position de faiblesse. Deuxièmement, la quantité, on est minime. Faut pas croire, faut pas croire, vous voyez un milliard de musulmans, c'est-à-dire qu'un milliard de musulmans, ils sont envoyés au paradis. Ah, ça ne fait rien, ça. Qui, parmi ces musulmans, déjà fait la prière? C'est le jeûne du ramadan. C'est Ben Sazakat, c'est le Hajj. Qui vient dans les mosquées? Qui peuple les mosquées? Quelle quantité de prix, qui fait le calcul, qui se retrouve avec une poignée de musulmans? Qui, Inch'Allah, sont des musulmans corrects. Même parmi ceux qui jeûnent, parmi ceux qui font la prière, la zakat, ils ne la donnent pas. La zakat, ils ne la donnent pas. On a vu des commerçants, des bourgeois, des riches, des grands riches, quand ils font la zakat, quand ils ont sorti la zakat, ils sortent pas 1000 francs ou 2000 francs. Je crois que c'est de 500 000 francs de zakat, hein. 500 000, 600 000 francs. Quand je dis, mais je parle en nouveau franc. Va te dire à quelqu'un de sortir 600 000 francs de zakat, il a donné aux pauvres, aux nécessiteux. Mais quoi, c'est 600 000 francs, tu peux les compter en pascal. Allah. Encore quand c'est 1000 francs, 2000 francs, tu les sors de ton compte, tu les donnes aux nécessiteux, mashallah. Quand c'est de 500 000, 600 000 francs, il y a faut avoir plus. Parce qu'il y a des bourgeois, ils ont passé un magasin, ou ils ont des fois 10, 15 magasins. surtout les gros bourgeois qui ont des bijouteries, et on en connaît comme ça. Ils ont des bijouteries, ils ont des portes par exemple, ils ont des... Alors que ça se produit avec eux. Ils ont beaucoup de jaquettes. Dis-là de sortir la jaquette. Je crois que c'est facile de sortir la jaquette. Tu vois ton compte diminuer rapidement là. Ça détend, hop, tu lui enlèves ça. Oh. Ça se produit. Eh mon frère, apprends de dire le bien de Dieu. Ça y est. D'accord. On va faire le djihad. Dans les rangs des soldats musulmans. Dans les rangs des soldats musulmans, est-ce qu'ils ont tous une bonne raqida? Est-ce qu'ils ont tous, est-ce qu'ils sont tous pratiquants correctement? Ils ont une bonne raqida. Inch'Allah, ils ont une bonne raqida. Ils sont dépêchés ou pas? Je peux vous dire que oui. Ceux qui font zina, ils font zina. Ceux qui mangent le riba, l'intérêt, ils mangent le riba. Ceux qui mentent, ils mentent. Ceux qui trahissent, ils trahissent. Ceux qui volent, ils volent. Je vais vous donner trois exemples de harb où dans la sunna on peut faire la comparaison. Il y a ce qu'on appelle Ghazwat Badr. Quand les sahaba, ils étaient tous main dans la main, tous ils avaient une bonne aqidah, tous ils étaient pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'ils étaient une seule personne. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Ghazwat Uhud, ils ont perdu. Pourquoi? Khalafu amra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont désobéi à l'ordre du prophète, il leur a dit, vous restez sur la colline là-bas. Il avait fait un plan comme ça, il a dit, vous ne bougez en aucun cas, vous ne bougez. Et ils étaient prêts, les musulmans, à gagner la bataille de Uhud. Quand eux, ils ont dit ça, ils ont dit, ça y est, on a gagné, ils sont descendus. Ils ont désobéi au prophète, des joies, ils ont dit, ça y est, on a gagné. Le prophète, il leur a dit, vous ne bougez que quand je vous dirai. Et ils sont descendus. Khalid ibn al-Walid, il est venu avec son armée de l'autre côté, donc il y avait une partie de l'expérience et une autre partie ici. Ils les ont pris ensemble. Ils ont perdu. Ils ont perdu 70 sahabis dans cette guerre-là. 70 sahabis, ils sont morts. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du prophète, alayhi salatu wa sallam. Nous, combien de désobéissance vis-à-vis d'Allah et après de son prophète, on connaît à l'époque où nous vivons. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'est le Ghazwat Hunayn. C'est aussi une ghazwa que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a fait. À cette époque-là, les compagnies étaient beaucoup, ils se sont dit, nous on est beaucoup, on va gagner. Et ils ont oublié que la victoire, elle provient de qui? Elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont donné beaucoup, on va renverser l'ennemi, ça va être difficile. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait perdre dans cette guerre-là. Pour leur savoir que même s'il n'y a pas un nombre, si je ne vous secours pas, il n'y a pas de victoire. Tant qu'on ne se nettoiera pas les fers, on ne se nettoiera pas dans notre chemin qu'on doit mettre en application la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous-mêmes, dans nos familles, avec nos femmes. Tout ça, c'est avec ta femme et tout ça. Ta femme, quand tu lui dis que tu aimeras, la sujette, tu me dis, ah non, ne me parle pas du sujet, non. Oh, ça, tu m'as déjà fait, tu n'as pas, d'accord, ok. Allah, on sort. Comme un ordre d'Allah, tu ne parles pas de désobéir à l'ordre d'Allah. Écoute, tu dis, je pense pas que c'est pas content, c'est comme ça. Non, c'est l'adversité, c'est l'air pas ça, ils oublient, on a oublié. C'est des hommes, ça? C'est des hommes qui vont aller faire le djihad? C'est ça, des hommes qui vont aller combattre l'ennemi? Et quand tu dis à ta femme, par exemple, je veux pas que tu travailles, alhamdulillah, moi je travaille, c'est suffisant, et le jour où j'aurai plus de boulot, je serai handicapé, je pourrai pas subvenir à tes besoins, d'accord, tu iras travailler, bien sûr, avec des conditions, à la tête. Ah non, moi je travaille. Si je suis désolé, ce n'est pas ton vivant. Ah, mais c'est Amara, il faut. C'est lui, moi, ma condition. Je travaille, c'est vivant. Donc, attendez, on en parlera. Adher, viens là-dedans. Où j'y ai dans le djihad, regarde, où j'y ai là. Viens dans le djihad et puis tu viens faire classer. Tu viens, c'est ce qui est plus facile. Tu prends une arme, tu vas devant l'ennemi. C'est très facile, faut pas croire. Peut-être que tu vas avoir la peur de l'ennemi la première fois, mais dès que tu es dans comme on appelle, dans le feu de l'action, voilà, ça y est, c'est fini, la peur, elle s'en va. Mais est-ce qu'on est prêt pour le djihad? Wallah, il est là, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Le chemin qu'on suit, c'est un chemin qui est très très long. Le chemin que le prophète, alayhi salatu wasalam, il est très très long. Mais le but, ce n'est pas d'arriver, nous. Si on y arrive, alhamdoulilah. Si on n'arrive pas, il faut que nos enfants, ils y arrivent. Si nos enfants, ils n'y arrivent pas, les enfants de nos enfants, ils y arrivent. L'essentiel, c'est de prendre le chemin. Regarde un arbre, quand tu plantes un arbre, un pommier ou là, n'importe quoi, un oranger, n'importe quoi. Il prend son temps pour pousser. Après, il donne ses fruits. Il vient du jour au lendemain, il arrose, tu crois qu'il va monter, il va donner ses fruits. Non, si toi tu manges pas, il y en a derrière qui vont manger. tout pareil, même notre chemin, il faut qu'on fasse un nettoyage. Il faut qu'on se nettoie. Combien de gens jusqu'à présent, ils sont musulmans, ils font la prière, et des fois ils font des actions qui les font sortir de l'islam. Ils font des choses qui sortent de l'islam. Tayyib, al-mahabba, est-ce qu'on a l'amour entre nous? On n'a pas l'amour entre nous. On n'a pas l'amour entre nous. On est des musulmans, on fait la prière dans une même mosquée, dans un côté de la mosquée, il y a des gens qui se regardent à travers, et de l'autre côté, ils se regardent à travers. Et puis, ils s'allument des regards, comme si c'était je ne sais pas quoi. Comme ça, ça c'est mon ennemi, là c'est mon ennemi. On est prêt? On n'est pas prêt pour le djihad. On n'est pas prêt pour le djihad. Devant là, on fait voir des beaux visages, on fait voir des... À l'intérieur de nos maisons, on devient des lions. On devient des lions avec nos enfants, on devient des lions avec nos femmes, on devient des lions avec... C'est comme ça, le prophète nous a enseigné comme ça. Il nous a enseigné ça, le prophète, avec ça. Il y a un couple qui est parti à Mecca, ils sont allés faire leur pèlerinage, la femme, elle a fait, voilà, j'aimerais bien aller faire la prière à la mosquée du prophète, avec ça, mais c'est tout le monde qui dit non, c'est pas ça. Ils sont venus, on a fait un voyage ensemble, de loin, tout, c'est très bien, c'est pas tout ça. Il dit, ouais, l'eau, tu restes à la maison aussi. Mais pourquoi tu veux savoir? Tu veux savoir pourquoi? Après le pire. Il est rentré dedans. Coup de poing dans la gueule. Bam, bam, bam, bam, bam. Les yeux gonflés, la meuf, elle est tombée dans le coma. La femme, elle est tombée dans le coma. Elle a fait mourir, Mskina. Quand je te dis, tu sors pas, tu sors. Elle n'allait pas sortir, Mskina. Elle lui dit, voilà, on est ici ensemble, parce que c'est bien que. Hada, ils ont perdu, Hada. Hada, ils ont perdu, Hada. كما يقول الشيخ مغبل حفظه الله جنات الفساد مقام الفساد في توكل الجهاد يبقي الشخصية تولى فهم السنة فقط كلا بدي كوكار بعض الجهد alors كنت تسمى الجلو تسمى يسوس كنت تسمى يسوس كنت تسمى يسوس مالاد علي مالاد ها فدير هو إليه إلا ما كان يدينا يستطرني بالمنصير يقول لي أنا فاتحة في الجهاد أنا فاتحة كيف إذا قد يدي منصار يقول لا فيريتي يقول لا فيريتي تزوي أو تزوي بعض يقول لا فيريتي. Il a perdu Adada. Taïeb. On est toujours dans ce pays musulman. On veut se révolter. Est-ce qu'on est allé voir nos gouvernants? Quand je dis on est allé voir déjà nos ulama. Nous, on va se faire d'assurer, on va se faire d'un ulama. Les ulama, ils vont voir les gouvernants. Ils vont parler avec eux. Est-ce qu'ils ont fait ça? Il faut déjà voir si dans le pays, il y a des ulama. Bon, il n'y a pas de ulama dans le pays. Est-ce qu'ils ont consulté d'autres ulama? Si eux leur ont dit ce qu'ils vont les faire. Ah non, eux, ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Ils sont loin, ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Et vous êtes à voir, c'est que avant de voir le moufti, celui qui va répondre à la question, il faut voir le moufti, celui qui va poser la question s'il est. À l'époque de l'imam Malik, rahimahullah, il y a des gens de Cordoue, donc d'Espagne actuelle, hein, ils sont venus une heure comme ça, ils sont allés à Medina. Ils sont venus poser des questions aussi à l'imam Malik, rahimahullah. Ils ont fait hier, cher. On a quelques questions à te poser, mais nous venons de Cordoue, donc d'Espagne actuelle. Il leur dit non, retournez là-bas et puis demandez à vos ulama, ils vont vous répondre à vos questions parce que moi je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il leur a pas dit ça. Il leur dit ça, vous posez vos questions. Pourquoi quand je vous dis qu'il faut regarder d'abord celui qui pose la question avant de regarder celui qui va répondre à la question? Parce que celui qui pose la question, il faut que quand il pose une question, il la pose avec toutes les données. Je ne vais pas dire simplement ce que je veux bien qu'il entende pour qu'il me donne la réponse que je veux entendre. Subhanallah. Alors moi, je vous réponds, je veux une réponse satisfaisante, je vais construire ma question de façon à ce que la réponse soit oui. Ou soit non, ça dépend de ce que je veux. Alors voilà, je travaille ma question, je lui dis, Yassir, voilà, Yassir, ça, ça, ça, ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va te dire, le Shir? Par rapport à ce que tu lui auras donné comme données, il va te répondre. Et si tu lui dis la vérité, tu lui dis, voilà, il y a ça. Là, maintenant, par rapport à tout ça, il va te répondre aussi. Bachir, l'imam Malik Rahman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu aux questions de ces gens-là. Malgré que lui, il était à Médina, il a dit qu'ils étaient en Espagne. Il aura pas dit, il a retourné en Espagne, et puis là-bas, vous avez vos ulama. Bien qu'en Espagne, il y avait des grands ulama. Alors ces gens-là, ils vont dire, ah non, mais ces gens-là, eux, ils connaissent pas ce qui se passe, par exemple, dans nos pays. Ou bien, quelqu'un vont te dire, ils vont dire, non, elle dit pas, ils n'écoutent pas ces ulama. Écoute qui, alors? Tu n'as pas confiance au Rénin, tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à qui, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, à l'âge de 16 ans, il a été atteint d'une maladie dans ses yeux. À 20 ans, il a perdu la vue. Il est mort à quel âge? 89 ans et demi. Il avait presque 90 ans. Il est décédé derrière lui. Durant toute sa vie. Toute sa vie, il a consacré pour qui? Pour toi, pour moi et pour les autres. Pour qu'aujourd'hui, quand par exemple, si ce n'est pas un problème religieux, tu ouvres les livres, tu écoutes les cassettes, tu as la réponse à Alhamdulillah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, il avait 86 ans quand il est décédé. Il est décédé il y a deux mois de ça. Durant toute sa vie, il a travaillé pour quoi? Pour la communauté. On les écoute pas, ces gens-là. On va écouter Shkoun alors. C'est mon frère. On va écouter Shkoun. Ceux qui sont orgueilleux, qui ont de l'orgueil dans le cœur. Ceux qui ont une rancune pour ce qu'ont fait les pays lors de la colonisation. Alors il a la rancune dans le cœur, il veut se venger. Pas de vengeance en islam. C'est pas la vengeance. Le pardon est préférable à la vengeance. Oui. Il y a des gens qui ont des rancunes. Ah, aujourd'hui j'ai le pouvoir, je vais pouvoir me venger. Masha'Allah. Alors bim, c'est pas ça bim mon frère. T'as pas pu faire ce que tu devais faire avant, faut pas le faire après. Ah oui. Alors il y a des gens comme ça qui disent non, maintenant que j'ai le pouvoir et que je peux faire quelque chose, je vais en profiter. C'est pas la religion. C'est pas la religion ça. La religion on juge pas avec les sentiments. Hein. La religion on juge avec Allah, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Sahaba. Est-ce qu'Allah l'a dit dans le Coran? Est-ce que le prophète Allah l'a dit dans la Hadith? Est-ce que les compagnons l'ont mis en pratique et l'ont dit aussi? D'accord, il n'y a pas ça? Ne trop. D'accord, c'est après le Shayatin. Subhanallah. Ça y est, est-ce que ces ulama maintenant qu'on a, on a des ulama dans notre pays, est-ce qu'ils sont allés voir les gouvernants? Est-ce qu'ils leur ont parlé? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont expliqués? Il y a beaucoup de conditions. Tu viens simplement, tu dis oui, on va faire le djihad, on va le renverser. Non, il faut d'abord la première des conditions, c'est leur faire da'wah, le rappel. On va déjà un peu musulman, on ne peut pas dire qu'on va leur faire da'wah, on va leur faire zikra mudakara, on va les rappeler. Parce que da'wah, on dit, la da'wah c'est pour les kuffars, c'est pour les mécréants. Mais pour un musulman, c'est zikra. Pourquoi? Parce que Allah s'est dit dans le Coran, wa zakir, fa inna zikra tanfa'u al-mu'minin. Et rappelle aux croyants, parce que le rappel profite, ça leur profite. Donc, on va leur faire le rappel. Si après, par exemple, ils reviennent, alhamdoulilah, s'ils ne reviennent pas, il faut voir si ce sont des koufars. Mais nos gouvernants, ce ne sont pas des koufars, nos gouvernants. Malgré le mal qu'ils font, et malgré ce qu'on voit, et malgré des fois des choses qui nous déplaisent, c'est leur devoir. Il y a Allah, peut-être que Allah, il va les éviter. Je sais que ce que je suis en train de dire, des fois, ça peut choquer pas mal d'entre nous, mais c'est comme ça, la sunna. Et même si ce n'est pas moi qui le dis, il y en a qui l'ont dit avant moi. Je ne peux que répéter ce que les ulama ont dit. Il y a des livres, il y a des hadiths qui sont sahih et authentiques. D'ailleurs, j'ai ramené un livre justement où il y a quelques hadiths qui est mentionné, qui dit que il ne faut pas sortir de l'obéissance du gouvernant tant qu'il n'a, fait, il n'a pas fait apparaître en lui une mécréance claire. Tu vois, par exemple, ici dans ce hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصفة عليه الصلاة والسلام إلى دين من أطاعني فقد أطاع الله فليش مدعي فيك لو بي الله سبحانه وتعالى فمن عصاني فقد عصى الله فليش مدعي فيك فليش مدعي الله سبحانه وتعالى فمن يطع الأميرة فقد أطاعني فليش مدعي فمن غزانه فكم سنة في أبي فمن يعصي الأميرة فقد عصاني فليش مدعي بيان سوق في المعروف dans le bien comme on vous a dit tout à l'heure. Voilà, le deuxième hadith, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Ici dans ce hadith là, c'est clair, il dit que le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. إلا أن يؤمر بمعصية sauf si on lui dit de faire une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ces conditions, فلا سمع ولا طاعة. Il ne devra pas obéir. Mais ça ne veut pas dire qu'il devra sortir de la jama'a, qu'il devra sortir de l'obéissance de son gouvernement. Il sort, il n'obéit pas pour cette chose qu'il lui est demandé de faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il va commencer à prêter dans les rues, avec kafir ou avec kada ou avec... Il faut le renverser, Parce qu'il faut savoir une chose. Ce gouvernement, c'est qui? C'est monsieur tout le monde, c'est une personne du peuple. Avant qu'il soit gouvernement, il était où? Il était chez Sha'b, il était dans la population. Les gens, ils ont voté pour lui, il est devenu gouvernant. Mais il vient d'où celui-là? Il vient du peuple. Tiens, on enlève celui-là. On l'enlève. Comme le peuple, il est moisi. Le peuple, il est moisi, il n'est pas encore propre. on a enlevé celui-là, on va voter pour quelqu'un d'autre. Hop, ça va être la même chose, ou peut-être que ça va être pire. Ça va être la même chose, ou peut-être que ça va être pire. Tant que le sable n'est pas propre, le gouvernement ne sera pas propre. Si le sable devient propre, le peuple devient propre, le gouvernement sera propre. Subhanallah. Et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Nittaqullah wasmi'u wa ati'u, craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos gouvernants. Pourquoi? Le mal il est plus grand. Le mal il est plus grand aujourd'hui. Je suis désolé, le mal il est plus grand et on peut voir aujourd'hui. Des femmes meurent, des enfants meurent, tout ça ce sont des innocents. Des vieillards meurent, des maisons sont détruites. Et beaucoup de choses, ceux qui sont en prison, ils sont en prison.